AXA, premier assureur des pros. Tenons, mortaise, onglet, elle travaille le bois. Moi, j'y comprends rien, mais tant qu'elle se blesse pas... Soutenir sa fille, pour Thierry, ça va de soi. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend et on vous propose les garanties adaptées aux risques de votre entreprise. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais, mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Avec Anita Conti, c'est l'aventure en haute mer. Le 25 juillet 1947, à l'hebdomadaire d'information illustrée Paris-Dakar, offre un article sur Madame Anita Conti. On se souvient de la mission d'étude des picheries sur la côte d'Afrique, dont elle fut l'animatrice. Mission officielle confiée par la marine marchande à une femme qui a rempli des missions analogues au Spitzberg, en Nouvelle-Zambie, dans le Grand Nord. Les pêcheurs noirs regardaient d'abord cette femme avec un peu d'amusement, nous dit le journal. Une femme blanche qui vient nous apprendre la pêche dans notre pays. Awa, c'est ce qu'il y a écrit, Awa, dans le journal Paris-Dakar. Anita Conti, photographe, journaliste, écrivaine, première femme, océanographe. Laurent Giraud-Conti, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-il important de parler d'Anita Conti ? Parce que c'est une femme qui a réussi dès les années 30 à s'intégrer dans un milieu où elle n'était pas autorisée à le faire. Ce milieu, c'est celui de la mer. Le milieu maritime, océanographique, oui. Parce que dès qu'il est question de la mer, ce milieu prend des facettes différentes. Parce que pour la mer, il y a évidemment un aspect militaire avec la marine, mais il y a également la marine marchande, mais il y a également la pêche. Anita Conti a croisé tout cela. Tout ce milieu-là, et avec un regard, avec un angle de vue à la fois visionnaire et à la fois partageant le quotidien des marins, que ce soit les marins de la marine nationale ou les marins pêcheurs. Ce qui est important avec Anita Conti, c'est ce regard, hein, nous le disons bien, qui s'intéresse à la mer, à ce que contient la mer comme recherche, et je pense aux poissons, aux mammifères, mais aussi à ceux qui sont sur la mer. Et c'est très important de prendre tout cela en compte. Quand elle écrit tous ses ouvrages, Racleurs d'océan, l'océan, les bêtes et l'homme, il y a de cela. Ce n'est pas juste un regard d'océanographe ou un regard, je ne sais pas moi, d'anthropologue. C'est l'ensemble à la fois. Elle a une vision d'ensemble, voilà, à la fois sur la surface, ce qui se passe sous la surface, à une période où, encore une fois, on n'avait pas le matériel de plongée sous-marine pour y accéder. Et donc, son regard nous permet à la fois de partager le quotidien des travailleurs de la mer et d'autre part, de commencer à entrevoir, à entrouvrir ce qui se passe sous l'eau. Anita Conti a réussi à relier tout cela, l'océan, les bêtes et l'homme. C'est donc une histoire de reliure. Jeunesse Magazine. Souvent la reliure, un art d'agrément, remplaçant pour les jeunes l'aquarelle, la tapisserie ou les bricolages en tout genre. Il m'a suffi de visiter les ateliers-écoles de la Chambre de commerce de Paris, 28 rue de l'Abbé Grégoire, pour comprendre que la reliure est un métier, et un métier difficile qui exige beaucoup de goût et de soin. À 14 ans, les jeunes, titulaires du certificat d'études primaires, peuvent entrer aux ateliers-écoles de la Chambre de commerce. Les études, qui durent 3 ans et préparent au CAP, comprennent des cours d'enseignement général et d'enseignement professionnel théorique. Les cours d'enseignement pratique, mixtes pour la reliure, sont réservés aux garçons pour la dorure, qui nécessite beaucoup de force. La reliure des livres présentés dans Jeunesse Magazine en 1951, Laurent Giraud-Conti. Quel lien entre Anita Conti, que nous présentons comme la première femme océanographe, et la reliure des livres ? Comment dire ? Anita, oui, passe du milieu de la reliure à celui de l'écriture aussi, de la poésie, et puis au milieu de la mer. Alors, ce qui peut relier, c'est une certaine magie des choses, comment dire, un décor, comment dire, Une richesse. Parce qu'elle a été relieuse, reconnue. Voilà. C'est ça qui est très intéressant. C'est un parcours étonnant parce qu'elle n'est pas du tout née près de la mer. Donc, on peut imaginer très bien qu'elle la connaisse parce que nous savons combien tout cela permet, par les voyages, par ne serait-ce que les vacances, d'approcher la mer. Mais cette femme du début du XXe siècle n'a rien qui la conduirait en logique vers la mer. Donc elle s'adonne à la reliure des livres. Elle s'adonne à la reliure, mais elle fréquente le milieu maritime par le littoral, par les voyages avec sa famille. Dans les années 10, jeune enfant, elle se familiarise avec ce milieu-là. On va pas au casino, on va observer les marins pêcheurs sur le port. On va observer les premiers scientifiques sur les bases de Concarneau ou à Roscoff. Peut-être même on participe à l'échantillonnage comme ça sur le rivage avec les grands scientifiques de l'époque. Même on va peut-être à Sorbonne plage, où la famille Pierre et Marie Curie se réunit. Et en Bretagne, oui. En Bretagne. Et Anita se souvient avoir vu Marie Curie étant petite fille. Sorbonne-Plage, c'est un lieu absolument étonnant en Bretagne, où il y a cette résidence de vacances où se retrouvent tous ces grands scientifiques. Exact. Et donc, effectivement, la famille Conti qui peut passer absolument, par là. Absolument, absolument. Il y a un regard à porter sur la mer, celui d'une jeune fille de la région parisienne, hein, qui a fait de la reliure et qui s'intéresse sans cesse à la mer. Et puis, il y a ce que représente la mer. Fabien Locher, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien environnementaliste. Dans votre approche de l'histoire, la mer, au début du XXe siècle, est-elle regardée comme une zone particulière ? A-t-on déjà l'idée que la mer est fragile ? Alors, en fait, les discours sur l'épuisement possible de certaines populations de poissons, ces discours-là sont très anciens. On les retrouve depuis l'époque moderne et même le Moyen-Âge. Par contre, évidemment, ces discours évoluent au fil du temps. Ce qui se passe au XXe siècle, c'est qu'évidemment, le niveau d'exploitation des océans, l'échelle d'exploitation change complètement parce que on va avoir des bateaux de pêche qui vont utiliser les énergies fossiles. Des bateaux de pêche à vapeur, d'abord utilisant le charbon, faisant ce qu'on appelle du chalutage industriel. Donc là, au XXe siècle, on a vraiment une forme très agressive d'exploitation des océans qui émerge, début XXe siècle, fin XIXe siècle. Et avec cette émergence, on a des discours spécifiques qui se développent sur un épuisement possible des populations de poissons, mais non plus cette fois simplement littoraux ou localisés, mais un épuisement possible à l'échelle de l'Atlantique Nord, à l'échelle de la Méditerranée, à l'échelle de vastes espaces, en fait, océaniques. Et Anita Conti témoigne de l'émergence de ces discours sur l'épuisement, et elle préfigure aussi, dans une certaine mesure, ces discours sur l'épuisement. Oui, parce que dès qu'il est question de la pêche, là aussi, le mot englobe plein de réalités. Il y a la pêche côtière, vous venez de le dire, où d'un seul coup on cherche une petite rascasse et on la trouve ou on ne la trouve pas. Et puis il y a la pêche qui nous conduit loin en haute mer. Laurent Giraud-Conti, à quel moment Anita Conti décide de partir là-bas, au loin, d'accompagner des équipages, notamment à la poursuite de la morue ? Alors elle fait quelques campagnes importantes dans les années 30 avec les haranguiers, à bord d'un navire aussi qui s'appelait le navire un navire de surveillance sur les mers du côté au large de l'Islande, de surveillance auprès des Terre Nova qui pêchait la morue. Fait une campagne de quelques semaines, mais ensuite sa première grande campagne, c'est en 1939 à bord du chalutier Viking au large du Spitzberg, où elle part pour 4 mois avec 60 hommes à bord. Oui, vous avez suivi cette édition des carnets. Alors, le carnet viking, hein, c'est le titre de l'ouvrage, 70 jours en mer de Barents, juin-septembre 1939. C'est publié chez Payot, Laurent Giraud-Conti. C'est une aventure à laquelle participe une femme, Anita Conti. C'est une aventure que connaissent particulièrement les hommes. C'est un monde très masculin depuis bien longtemps. Et Anita, donc, accompagne ses marins, non pas pour travailler avec eux, mais pour remplir sa mission auprès de l'Office scientifique et technique des pêches maritimes, faire des relevés d'échantillonnage et puis des prélèvements d'eau, température, profondeur, salinité, parce que c'est une période où on s'aperçoit que le poisson n'aime pas une zone géographique, mais il aime une qualité d'eau. Ce qui paraît un peu dérisoire maintenant, mais à l'époque, c'était très important. Oui, et cet office scientifique, c'est aujourd'hui l'Ifremer. Exactement. Et Anita Conti participe à ces campagnes absolument incroyables. Hein. Fabien Locher, vous avez évoqué les changements liés à la technique, hein, principalement. Ces morutiers qui sont vraiment une identité très forte dans l'histoire de la pêche. C'est un phénomène ancien. Sauf qu'au XXe siècle, il y a de nouvelles pratiques avec des conséquences pour les petits poissons. Alors effectivement, la pêche morutière, elle est très ancienne, elle remonte à l'époque moderne et on y allait sur des bateaux à voile de très fort tonnage. Ce qui se passe à partir des années 1900, c'est que des chalutiers à vapeur se substituent peu à peu à ces grands trois mâts qui partaient à la pêche à Terre-Neuve. D'ailleurs, ça implique des changements en France même, hein, puisque Saint-Malo, qui était le grand port morutier, va perdre peu à peu de l'importance vis-à-vis d'autres ports qui vont dominer la pêche morutière avec la vapeur et non plus avec la voile. Et en même temps, on a une puissance de ces dispositifs de pêche qui va être beaucoup plus grande, qui va être de plus en plus grande, une puissance qui va devenir finalement intenable au point que dans les années 1980-90, le banc de Terre-Neuve finalement va s'effondrer et aujourd'hui, toujours effondré et on n'a pas eu de renaissance de ce banc-là. Donc tout ça va mener au fur et à mesure de l'intensification finalement à une des plus grandes catastrophes socio-écologiques du XXe siècle, l'effondrement du banc de Terre-Neuve, dont d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle assez peu, c'est assez peu connu. Et là, on se pose la question de la visibilité. Si cette chose avait eu lieu sur la Terre, on aurait ça dans tous les livres d'histoire ou les livres d'écologie, mais parce que ça a eu lieu dans les profondeurs marines, c'est pas si connu que ça. Mais voilà, une des conséquences de cette trajectoire de surexploitation. C'est une conséquence dramatique, écologique, du progrès technique, disons-le, de ces bateaux qui s'améliorent. Il n'y a pas que cela, Fabien Locher, il y a le progrès scientifique, la plus grande connaissance des océans. Dans ce début du XXe siècle, l'exploration océanographique ne cesse de progresser. D'ailleurs, il y a presque une passion avec ces grands musées océanographiques, beaucoup de connaissances. Avant la Seconde Guerre mondiale, les gens ne disposent pas encore des radars, ils ne savent pas faire ça. Il faut comment ça se pratique, toutes ces choses-là? C'est-à-dire que les océans sont étudiés d'un point de vue scientifique, mais toujours sans regard écologique. Alors, les océans sont étudiés essentiellement par le dragage. C'est-à-dire, on traîne sur le fond des océans des chaluts, les mêmes qu'on utilise plus ou moins d'ailleurs pour la pêche, même s'ils sont un peu plus petits, les chaluts scientifiques, pour ramasser ce qu'il y a au fond des océans. Et puis, par ailleurs, on mesure, et ça c'est une vieille pratique, on mesure la profondeur, on étudie les reliefs océaniques, on peut envoyer aussi des thermomètres suspendus, tendus au bout de cordes, pour mesurer les températures. Donc on a des moyens anciens, ça existe ça depuis le XVIIIe siècle. La deuxième moitié du XIXe siècle, c'est là que se développe véritablement l'océanographie avec ses moyens relativement simples. Mais effectivement, on n'a pas encore les sonars qui vont être développés dans le cadre de l'effort de guerre de la Première Guerre mondiale. On n'a pas encore des moyens d'analyse chimique très très perfectionnés, même si ça s'améliore. Et donc, il s'agit essentiellement d'un inventaire des fonds marins et d'une cartographie des températures, et des profondeurs et de la salinité. Voilà ce qu'est en gros l'océanographie à cette Pour époque. Anecdote, Anita Conti, dans les années 30, fait de ses robes de soirée des filets à plancton. Et puis, effectivement, le sonar n'existe pas, mais on sait que la vitesse sous l'eau est de telle. Et donc, avec le fusil Lebel, on tire un coup de fusil et on mesure le temps qu'il met à remonter. Enfin bref, on divise et par un savant calcul, on a à peu près une profondeur. Voilà comment on définissait un petit peu on improvisait sur le pont les techniques pour observer le milieu maritime. Beaucoup de cartographie, on le sent bien, dans cette démarche. Que raconte Anita Conti dans son carnet viking? C'est-à-dire que là, nous avons ici un document qui est au plus proche de ce qu'elle vit. Alors, ce carnet viking, donc, ce sont ses petites notes au jour le jour sur ce chalutier. Ces petites notes sur lesquelles elle avait l'intention de publier un livre, son premier livre, qui serait paru en 40, mais la guerre en a décidé autrement. Et donc, ce sont ces observations à la fois, sur son échantillonnage, sur ses prélèvements, sur les mesures qu'elle réalise à bord du navire, mais c'est aussi les observations qu'elle fait auprès de l'équipage, autour de ces hommes, dont elle perçoit évidemment, dont elle partage la vie au quotidien. Eh bien, justement, nous allons monter sur un de ces navires pour partir à la pêche à la morue. On va virer. Allez ! Il est 11h du matin. Cela fait 3 heures que le chalutier malouin traîne son chalut dans la banquise. Dans la trémie s'engouffrent plus de 20 tonnes de morue. Les marins du Victor Pleven, eux, disent 7 pales ou 7 palanquées ou encore 140 quintaux. Ce sont leurs mesures, ce sont leurs mots. Aussitôt viré, on file à nouveau le chalut par près de 300 mètres de fond. Ce sera le 223e trait de chalut de ce voyage d'hiver. Nuit et jour, depuis près de 2 mois déjà, les hommes de pont répètent ces gestes et ils ne sont qu'à la moitié de leur voyage. Dans la banquise, il faut décrocher les funes des rouleaux et les poser à même la rampe arrière pour éviter qu'elles n'accrochent les blocs de glace. Un reportage sur la pêche à la morue en 1981 où, au cœur de tous ces questionnements, il y a l'humain. Fabien Locher, faire l'histoire de l'environnement, c'est aussi faire de l'histoire sociale. Quand nous parlons de la pêche à la morue qui évolue, quand nous parlons de toutes ces transformations, elles concernent évidemment ceux qui pratiquent cette pêche. C'est en cela que l'histoire de l'environnement n'est pas simplement une histoire de la mer, des poissons ou éventuellement des paysages. Effectivement, il y a la question du travail en mer, hein, qui est une question très très importante. Et d'ailleurs, il y a un lien étroit en fait entre les questions d'exploitation, de surexploitation, d'épuisement et les questions salariales. Ne serait-ce que le fait que on travaille à la part, c'est-à-dire que les pêcheurs, les capitaines et les pêcheurs sont payés en fonction de ce qu'ils capturent. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'Anita Conti va souligner dans un de ses livres, disant bah tant qu'on aura un système qui valorise les captures à outrance, parce que simplement, bah, ces pêcheurs-là qui travaillent dans des conditions très très très difficiles, bah, ils veulent pouvoir vivre bien de ce travail qui est très dangereux et très difficile. Bah, ils ont tendance à exploiter le plus possible, sans limite en quelque sorte, les océans. Et puis effectivement, il y a la question, bah, plus généralement, on sait que voilà, le travail sur les chalutiers industriels, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Les statistiques, c'est des historiens britanniques qui l'ont établi ça, montrent que c'est 5 à 10 fois plus dangereux que le métier de mineur. Donc ça fait partie vraiment des métiers les plus dangereux de tout ce qu'on peut imaginer en termes de travail. On imagine, donc on parle des années 30, le métier de mineur dans les années 30, mineur de charbon dans les années 30, une grande dangerosité. Là, on est un ordre de grandeur au-dessus. Donc ça veut dire qu'on peut être... On peut être balayé par une vague scélérate qui vous envoie à la mer. On peut être emporté avec les chaluts. On peut avoir des doigts coupés par les treuils. On peut passer par-dessus bord lorsqu'on est en train de trier le poisson. Enfin, il y a 1000 façons de mourir en mer quand on est sur un chalutier industriel. Et donc, il y a une réelle dangerosité qu'on voit bien dans les photos d'Anita Conti d'ailleurs. On voit que ces hommes sont exposés de façon incroyable. On les imagine en mer de Barents, près de l'île aux ours, en plus avec des températures. On a des images de ces... On a l'impression que les chalutiers sont congelés, ils sont recouverts de glace. Donc c'est des conditions d'une extrême, vraiment extrême. Il faut bien réaliser ça que, voilà, si on parle effectivement des ressources halieutiques qui s'épuisent, il faut aussi garder en tête cette douleur que vivent les hommes. Mais c'est vrai que vous avez utilisé, Laurent Géraud-Conti, ce mot héroïsme, mais au sens où le corps doit dépasser ce qu'un corps est habitué à supporter, parce qu'il y a les accidents dont parlait Fabien Locher, mais il y a vraiment ces difficultés de vie. C'est à ça aussi qu'assiste Anita Conti. Elle dit pour les Terre Nova, ce sont les aristocrates de la mer. Et les Terre Nova, c'est un terme générique qui englobe ceux qui pêchaient en Islande, ceux qui pêchaient au Spitzberg, la morue, quoi, les morutiers. C'est les aristocrates de la mer. Ils partent 4 mois, 3 mois, il y a une fierté. Pendant ces expéditions, Anita Conti ne se contente donc pas de simplement faire des mesures. Elle observe aussi ce qui se passe sur le navire. D'ailleurs, pour elle, comment ça se passe pour elle? Parce que c'est une femme sur un navire avec des hommes qui partent 4 mois dans des conditions extrêmement difficiles. Elle n'est pas là pour gêner. Il faut qu'elle reste un petit peu discrète quand même. Absolument. Et puis surtout ne pas, comment dire, montrer qu'elle a une préférence pour telle ou telle. Elle ne protégera jamais un jeune mousse qui a 14 ans de la violence qu'il peut subir, parce que le protéger, ce serait augmenter la violence qu'il pourrait subir, justement. Elle observe aussi le quotidien, la vie dans le carré, ce qu'on appelle le souper de minuit, quand les hommes prennent sur leur temps de repos un moment de plaisir dans le carré au moment du repas. Elle observe aussi les gestes, parce que le trancheur peut... Les trancheurs sur un navire, c'est comme le marqueur de but dans une équipe de foot. Un bon trancheur peut faire 60 morues à la minute. Ensuite, il y a un autre geste, c'est le saleur. C'est celui dont toute la responsabilité du chargement va reposer sur lui. Trop de sel, toute la morue sera brûlée. Pas assez de sel, tout le chargement sera pourri. Oui, et immense savoir de ces travailleurs de la mer. Avec... Vous avez parlé des trancheurs, ceux qui découpent au fur et à mesure. Qui font d'un poisson rond un poisson plat. Et sur ces morutiers, en fait, nous ne sommes pas uniquement sur un bateau de pêche. Parce que nous l'entendons bien, nous avons ici l'ensemble des étapes qui conduit à avoir de la morue salée. C'est une petite usine qui est sur la mer. Fabien Locher, dans ces ressources qui sont puisées en grande quantité, Anita Conti observe tous ces poissons. Elle remarque qu'il y a une forme de gâchis ou alors que tout est extrêmement bien organisé, qu'il n'y a pas de perte. Alors, le chalutage, hein, qui est le moyen de pêche de ces morutiers à charbon puis diesel, le chalutage implique de rejeter à la mer une part énorme des prises, puisqu'on capture au fond, sans réellement voir évidemment ce qu'on capture, on ramène tout ce qu'on trouve. Ça arrive sur le pont, et là, on trie. Donc, on a les morues, c'est ce qu'on cherche, mais on a tout ce qui est appelé, c'est intéressant d'ailleurs, le faux poisson. C'est tous les poissons qu'on ne va pas utiliser, dont certains sont parfaitement comestibles, mais c'est aussi les mollusques, les crustacés, les algues, tout ce qu'on peut ramasser au fond de la mer, puisque je le rappelle, un chalut, il s'agit ici de chalut de fond, en fait, c'est racle le fond de la mer et ce qui se trouve à une certaine hauteur au-dessus du fond de la mer pour tout ramener sur le pont. Donc évidemment, il y a, alors ça dépend des endroits, ça dépend des chaluts, ça dépend des moments, mais disons qu'il y a au minima la moitié des animaux qui sont capturés sont rejetés. C'est énorme. C'est un ordre de grandeur. Énorme. Ça peut être 40%, ça peut être 60%. C'est énorme. Certains survivent, mais c'est rare parce qu'ils sont ramenés du fond à la surface et donc ils subissent des différences de pression énormes et en général, ils implosent à cause des différences de pression. Donc certains survivent, ça dépend des espèces, ça dépend, etc., des profondeurs, mais la plupart meurent. Donc il y a intrinsèquement dans le chalutage, sauf cas exceptionnel, une destruction de la matière vivante qui n'est pas valorisée économiquement par l'homme. Donc c'est ce qu'elle souligne. C'est ce qui était d'ailleurs souligné dès le 19e siècle, quand s'est développée la technologie du chalutage. Ça avait déjà beaucoup choqué les marins, qui utilisaient d'autres modes de pêche, que ce mode-là de pêche soit si destructeur et entraîne autant de gaspillage. Alors, c'est une chose de le constater pour Anita Conti sur son navire. Après, il y a l'information qu'il faut diffuser. C'est en cela aussi, Laurent Giraud-Conti, qu'Anita Conti est importante. C'est-à-dire que nous avons évoqué son évolution dans le monde de la relure. Elle connaît le monde parisien, elle a accès aux journalistes et elle-même se fait journaliste. Exact. Elle va publier un grand nombre d'articles, encore une fois, dès les années 30, pour nous alerter de différents problèmes, et notamment de cette problématique de faux poissons qui sont rejetés à la mer. Et en 1960, elle va créer une campagne pour valoriser un poisson qui était rejeté, qu'on appelle maintenant le poisson sabre. Et grâce à cette campagne de presse qui va remonter jusqu'au ministère des pêches à l'époque, il va y avoir une campagne qui va encourager à ce que les consommatrices achètent du poisson sabre pour que les pêcheurs ne le rejettent pas à la mer. Et donc, grâce à Anita, on peut dire qu'on mange du poisson sabre maintenant sur nos étals de poissonniers. Par exemple, c'est un des phénomènes, un des poissons sur lesquels elle s'est préoccupée. Mais effectivement, et en plus, elle s'est aussi intéressée au fait que ce poisson qui était rejeté, on pourrait le conserver pour en faire quelque chose, une farine, quelque chose, une ressource alimentaire. Et elle a travaillé sur beaucoup de fronts à la fois aussi, effectivement. Transformer un poisson en ressource alimentaire ou utiliser un poisson qui jusqu'alors était rejeté, dans la démarche ici, et c'est quelque chose d'extrêmement positif, nous ne sommes pas dans l'idée malgré tout de sauvegarde, mais en cela Anita Conti est à l'image des réflexions de son temps, Fabien Locher. Dans un premier temps, il y a l'idée de ne pas gâcher. C'est pas encore la même chose que attention à détruire les ressources de l'océan. Oui, alors je pense comme historien, il est vraiment important de spécifier historiquement les formes de perception de l'épuisement, les formes de discours sur l'épuisement. Effectivement, dans les années 30, on a un discours sur l'épuisement qui est porté par des institutions comme l'OSTPM, l'Office scientifique et technique des pêches maritimes, mais c'est un discours d'ordre économique. L'idée est la suivante. Si on exploite trop intensivement une population de poissons, alors on va arriver à une situation non rentable. Parce qu'on va exploiter, on va exploiter, on va exploiter. Pour faire simple, la population va devenir petite. Et donc, pour capturer ces poissons, il va falloir injecter du capital, il va falloir envoyer des bateaux et beaucoup d'hommes. Alors que si on relâche un peu la pression sur la population de poissons, cette population va croître et on aura besoin de moins de bateaux, moins d'hommes, moins de capital pour prendre le même nombre de poissons. Donc l'idée, il y a vraiment une idée d'épuisement, mais cette idée, ce n'est pas l'idée aujourd'hui écologique de la protection des poissons pour eux-mêmes. C'est vraiment l'idée d'obtenir un point économique optimal pour l'exploitation, pour éviter que, en capturant trop, finalement, on crée de la pauvreté dans les milieux maritimes. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Voilà, on n'est pas dans le discours de la valeur intrinsèque de l'animal marin. Nous sommes à un moment où il y a encore cette idée que la mer est inépuisable. Bien sûr, vous nous l'avez dit, hein, Fabien Locher, certains nuancent déjà et depuis un moment, mais que généralement, tel que cela est présenté, sans doute avec des visées économiques derrière, bon, bah, c'est très bien, on peut y aller parce qu'il y aura toujours des poissons. C'est ça qui domine largement, en tout cas, chez ceux qui prennent les décisions. Chez ceux qui prennent les décisions, parce qu'Anita, elle pose cette question, la mer est-elle une ressource inépuisable? Et elle s'intéresse aux individus poissons. Dès les années 50, elle s'interroge sur le statut de cet être vivant qui est là avec nous, à côté de nous. Et elle pose des vraies questions, que ce soit pour le requin Ceterinus maximus, qui était un de ces requins totems, ou même la simple morue. Elle participe évidemment à la pêche avec tout ce que ça a de plus sanglant, comme elle le décrit avec merveille, mais en même temps elle s'interroge sur l'identité de ces êtres vivants que l'on côtoie, dont on a besoin pour se nourrir, mais elle s'interroge, elle pose des vraies questions identitaires sur le statut animal. On le voit dans l'océan Les Bêtes et l'Homme, justement, elle pose ces questions-là. C'est ça, Fabien Locher, qui est passionnant dans cette figure d'Anita Conti, c'est que justement... pas dire qu'elle dénote, mais elle s'inscrit dans un mode de réflexion qui n'est en tout cas pas celui qui va, peut-être jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs encore dans certains pays comme une évidence, tendre les politiques de la pêche vers une idée de nos limites, quoi, on peut y aller. Ce qui est intéressant avec Anita Conti, c'est qu'effectivement, avant la Seconde Guerre mondiale, elle est dans la pensée de son temps, hein, qui est une idée de trouver un optimum économique, éviter une déplétion, et après... dans les années 50, effectivement 60, on va avoir, elle témoigne de cette évolution effectivement vers, disons, une vision plus écologique au sens de la valeur intrinsèque des animaux. Donc elle rejoint une Rachel Carson un petit peu. Hein. Elle rejoint tout un courant de pensée autour de l'environnementalisme des océans. Et bien c'est important, hein, vous venez d'évoquer cette figure de Rachel Carson. Rachel Carson qui... s'inscrit elle aussi, parce que on peut pas parler d'Anita Conti seule, comme si elle était navigatrice solitaire dans cette histoire qui est vaste. Il y a d'autres figures. Alors écoutez cette présentation de Rachel Carson, il y a toujours un léger décalage. Si vous aimez la littérature, ne quittez pas l'écoute. Avec Roger Grenier. Puisque nous sommes dans les choses de la mer, je voudrais vous signaler une traduction par Anne de Cambiasi du livre américain de Rachel Carson, « Là où finit la mer » chez Amiot Dumont. Il s'agit typiquement d'une lecture de vacances. Bien présentée sous une couverture genre club, l'ouvrage de Rachel Carson est une passionnante introduction à la connaissance scientifique de la faune marine et sous-marine, mais plus souvent qu'on ne le croit, la science est proche de la poésie pure. Rachel Carson a raison, ce monde qui est le nôtre contient encore quelques merveilles. En 1957, dans l'émission La vie des lettres, présentation du dernier livre de Rachel Carson. Fabien Locher, qui est Rachel Carson? Alors Rachel Carson, c'est surtout, elle est connue essentiellement pour avoir écrit ce grand livre en 1962 qui s'appelle Silent Spring, le printemps silencieux, qui est une, où elle lance l'alerte, hein, contre un pesticide essentiellement qui s'appelle le DDT, qui finira aux États-Unis par être interdit 10 ans plus tard. Et le printemps silencieux que décrit Rachel Carson dans ce best-seller, hein, puisque c'est un best-seller à l'époque, c'est ce printemps où il n'y a plus d'animaux parce que les pesticides ont tout tué. où il n'y a plus de grenouilles, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus. Donc on a un printemps silencieux et elle est une lanceuse d'alerte, on peut dire, et quelqu'un de très important dans le mouvement environnementaliste. Par ailleurs, elle était biologiste au sein du service fédéral des pêches américaines. Elle a écrit d'ailleurs des petites brochures sur la pêche. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a écrit notamment un volume pour expliquer qu'il fallait, on en parlait tout à l'heure, manger des poissons moins nobles parce qu'on était en pénurie alimentaire et donc manger du faux poisson, en quelque sorte. Donc elle participe de cette réflexion. Moi, ce que je trouve intéressant avec Rachel Carson, c'est que, alors, elle illustre quelque chose d'ambigu. Dans son premier livre sur la mer, elle explique qu'à un moment donné, que rien ne pourra porter atteinte à l'environnement marin parce que l'action humaine est dérisoire vis-à-vis de cet environnement. Ça, c'est dans les années 50. C'est dans un livre qui s'appelle « The Sea Around Us ». Mais ensuite, il y a quelque chose qui va la faire changer d'avis et ça va être les essais nucléaires américains dans le Pacifique. En prenant conscience des retombées planétaires de ces essais nucléaires, elle va complètement changer d'avis et elle va mettre en avant, au contraire, l'action possible de l'homme sur l'environnement marin. La chose intéressante aussi, c'est que c'est en réfléchissant sur les retombées radioactives qu'elle va commencer à s'intéresser au DDT et qu'elle va finir par écrire Silent Spring. Donc là, on a une autre illustration des menaces possibles sur l'environnement maritime, le nucléaire, la menace atomique, les retombées radioactives. Et Rachel Carson fait ce chemin vers la prise de conscience d'une fragilité des océans, mais pas par les chalutiers en l'occurrence, mais plus par la question nucléaire, atomique, la question de la bombe. Anita Conti évolue aussi absolument. À peu près de la même manière. Ah, c'est bien qu'on les cite ensemble, parce que c'est vrai que Anita est moins connue que Rachel Carson, mais c'est très bien qu'on les porte vraiment au même niveau, parce que ce sont vraiment deux pionnières qui nous alertent sur deux angles différents des mêmes problématiques et dont on comprend maintenant les conséquences. Et puis avec Anita Conti, nous avons aussi ce regard mondial sur la pêche, parce que nous cosmique sommes pas... même. Mais oui, non, mais c'est ça. Il y a, si nous regardons une carte, tant et tant de zones qu'elle a explorées, qu'elle a étudiées, mais de manière différente selon les moments de sa vie, parce que dès que nous parlons d'un individu, une vie ne se réduit pas à un tout. Et cette évolution, nous l'entendons bien avec Anita Conti, Laurent Géraud-Conti. Cela, et c'est pour cela que c'est passionnant cette vie-là, cela s'appuie sur des sources, des archives. Elle a laissé énormément des carnets, on a parlé du carnet viking, des photographies. 60 000 clichés environ, des mètres de documents, de petites notes. Et puis moi, ce qui m'a touché, c'est ses paroles. Quand on remonte le chalut, on remonte l'inconnu. Un pêcheur va comprendre, un philosophe, un poète et le lambda. Chaque bateau sur la mer avance avec son cercle d'horizon. C'est ce double langage qui, à la fois, décrit un phénomène, un espace, un travail, mais aussi nous questionne, nous, dans l'univers. Oui, parce que c'est ce questionnement que porte Anita Conti. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, un peu plus en avance sur les autres ou pas, c'est pas vraiment la question. Une pertinence, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, elle était dans... cette histoire, aujourd'hui, elle nous parle évidemment avec les questionnements de notre monde contemporain. Eh bien, laissons-lui la parole, Anita Conti. Eh bien oui, la journée des écrivains de la mer ne pouvait avoir d'autre cadre que celui du grand port de Toulon. Il y avait bien sûr le sympathique préfet maritime, l'amiral Bargeot. Il y avait aussi Alain Bombard, qui fut une des vedettes de ce vendredi. Anita Conti, elle, a tenu à présenter son mignon petit piton au préfet maritime. L'amiral Bargeot reste impassible, vous le voyez, il en a vu bien d'autres. Eh bien, je pense que nous pouvons dire que le travail des écrivains de la mer ne fait que commencer. Nous ne sommes en effet qu'au tout premier jour de la découverte de ce nouveau monde sous-marin. Si je n'étais pas portée par la mer de temps en temps, je serais morte. Donc... je ne sais pas si je l'aime, elle est effroyable, c'est sur la mer que j'ai certainement éprouvé, mes plus horribles sensations de terreur, parce que sur la terre ferme, vous mesurez l'obstacle, en mer vous ne mesurez rien, vous êtes lié au vent, lié à la mer, lié à la lumière, qu'est-ce que c'est? Vous ne pouvez pas définir ça. Ce qu'on a voulu dire, je pense... en me nommant quelquefois la dame de la mer, c'est que je représentais un peu les familles. Je crois que j'ai dans le cœur l'espèce de sensibilité que toutes les femmes manifestent lorsqu'elles rencontrent quelqu'un de leur famille. Ce que nous venons d'entendre, c'est la présentation du livre « Géant des mers chaudes » d'Anita Conti en 1957, avec une présentation très légère et oh là là, c'est une jolie lecture fort sympathique. Et puis Anita Conti elle-même, qui s'exprimait en 1992, elle avait 92 ans, et dans ce parcours, nous voyons ici eh bien, comment elle-même, Laurent Giraud-Conti, Anita a pu construire son univers, sa réflexion. Tout cela est basé sur de l'émotion, l'émotion devant la mer, mais aussi une vraie réflexion. Une vraie réflexion vécue, appuyée sur, sur l'expérience, et puis, comment dire, une réflexion qui se projette, qui s'appuie sur l'expérience intérieure et qui sait se projeter. Je lis une phrase. « Pour de nouveaux esprits, bientôt s'inventeront de nouvelles légendes. Soyons les dieux vaincus de siècles sans église. » C'est beau. Non, mais c'est ça, parce qu'il y a aussi cette qualité littéraire, il faut le dire. On retrouve tous les livres publiés chez Payot, hein, les livres d'Anita Conti. Il y a ça, il y a quelque chose de très fort. Comment l'avez-vous rencontré, Laurent Giraud-Conti ? Sur une péniche à Paris, pour le lancement d'un livre dont le titre était « Les enfants du capitaine Nemo ». Elle vous a adopté ? Une amitié, et dans l'amitié, la découverte de l'un et l'autre. Et puis Anita, bon, il faut le dire, était quand même un peu isolée, un peu marginalisée, oubliée. Sans sécurité sociale, sans retraite, parce qu'une femme dans la marine ne remplissait pas de cases. Et donc, il fallait lui donner un coup de main. Puis, c'était agréable, parce qu'elle avait des choses à transmettre. Et j'étais là, au bon moment. Et puis, elle m'a adopté. Voilà. Fabien Locher, quand on entend ce témoignage de Laurent Giraud-Conti, qui présente une Anita Conti, sur son grand âge, mais complètement isolée, c'est pertinent aussi dans la lecture de la portée d'une œuvre. C'est sur le tard, et aujourd'hui, que nous parlons d'Anita Conti. Oui, elle a été écartée. Comment peut-on expliquer que certaines figures de l'histoire environnementale sont mises en avant et d'autres sont écartées ? Il y a aussi des effets de mode. Anita, une femme écrivain. C'est cette histoire-là qu'il faut écrire et aussi se départir des effets de mode quand on est historien comme vous. Alors c'est vrai qu'il y a une dimension de construction. Alors il y a des effets de mode, il y a aussi des gens qui sont entrepreneurs d'eux-mêmes, hein. Je pense à Cousteau, hein. Je veux dire, moi j'ai fait de l'histoire orale sur des gens qui ont travaillé avec Cousteau, on me le décrit comme un entrepreneur par exemple. Et il avait effectivement des dizaines de sociétés, c'était un homme d'affaires, il savait très bien faire parler de lui, etc. Et il a construit son image médiatique. D'autres ne sont pas dans cette optique-là. On pourrait parler de Alain Bombard qui a aussi été important pour la dénonciation des atteintes aux mers dans les années 70-80. Lui était beaucoup moins habile à se mettre en avant, même s'il a eu une petite carrière politique. Mais à la fin de sa vie, il était quand même lui aussi marginalisé. Et puis, il faut pas sous-estimer le caractère profondément misogyne, malgré tout, des milieux maritimes de ces années, alors 30 évidemment, mais même 50 et 60. Le fait aussi qu'elle n'était pas Anita Conti diplômée, elle n'a pas eu de carrière administrative. Une femme divorcée à 50, non divorcée, sans enfant à 50 ans, non diplômée dans le milieu scientifique, ça pose des problèmes quand même. C'était quand même, voilà. Donc elle est partie avec elle avait des handicaps certains. C'est intéressant effectivement de la rapprocher de Rachel Carson. Et aussi, je pensais à une autre figure importante qui est Elizabeth Mann Borghese, qui est quelqu'un, une américaine qui dans les années 60 a écrit une constitution de l'océan monde où elle proposait de mettre les océans sous la coupe d'une constitution mondiale avec une espèce de gouvernement multilatéral, hein. C'était très important, c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui on est en train de relancer l'exploitation minière au fond des mers parce qu'on a besoin des métaux critiques pour les voitures électriques, etc. La proposition d'Elizabeth Mann Borghese, c'était précisément une façon de protéger le milieu marin au moment où on découvrait ces nodules au fond des mers et on allait vouloir les exploiter. Et elle a été aussi, Elizabeth Mann Borghese, la spécialiste, on peut dire, des mers au sein du Club de Rome, le fameux Club de Rome du rapport Limite à la croissance de 1972. Donc, il y a toute une chaîne, hein, de femmes qui, au XXe siècle, dans la seconde moitié du XXe siècle surtout, se sont positionnées en défense des océans. Et je trouve ça assez intéressant. D'ailleurs, j'aurais du mal en tant qu'historien à caractériser hein, le pourquoi de ce fait-là, hein, mais on voit qu'il y a, il y a une chaîne, peut-être. Voilà, c'est quelque chose de, voilà, peut-être à, sur lequel on peut réfléchir. Mais nous sentons bien hein, que dans ces années 1950, il y a un intérêt pour les choses de la mer, mais qu'il y a un intérêt un petit peu exotique. Et puis après, tout est mis de côté au moment, bah, nous sommes dans le grand progrès économique qui ressurgit à la fin des années 60 avec les grandes catastrophes. Cette histoire des atteintes faites à l'environnement correspond aussi à l'histoire de l'attention portée, et notamment par les médias. C'est ce rôle des médias est essentiel. Donner la parole, vous avez cité Cousteau, nous savons bien combien il a œuvré lui-même pour se mettre en avant, c'est super important. Mais les médias ont un rôle essentiel. Donner la parole. Anita Conti a commencé journaliste, vous nous l'avez dit, Laurent Giraud-Conti, pour dénoncer, elle a écrit ses livres. Mais après, il faut que quelqu'un tende le micro. Pour pouvoir parler. C'est ce qu'elle disait, elle préférait le terme océanologue à océanographe. Et effectivement, Anita, elle méritait vraiment qu'on l'écoute. Elle avait des choses à transmettre, elle avait une expérience à transmettre, qui était, comment dire, et il fallait être là pour la recueillir, ses documents, ses photos, sa parole, improvisée, parce qu'elle était capable d'improviser magnifiquement, d'une manière allégorique. Voilà. Oui. Merci Ève, moi dans le jardin d'Éden, sans doute aurais-je tout cassé. Alors, c'est passionnant de voir. Moi, j'aime bien. Bon, on va pas tout casser quand même. Non, mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est ce côté regard sur ce monde humain, ces racleurs d'océans, ces hommes, regard sur les animaux, regard sur l'océan lui-même. Mais Fabien Locher, tous ces témoignages qui émaillent hein, vraiment le XXe siècle, et on a cité quelques noms, Rachel Carson, Anita Conti, qui œuvrent, ont été utiles pour éveiller, mais peu à peu, peut-être des consciences. En tout cas, Anita Conti ne fait pas œuvre politique, mais elle contribue à ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un véritable souci pour la mer. Alors oui, tout ça contribue à disons, une transformation, une globalisation de la perception des atteintes maritimes. Malgré tout, il faut quand même insister sur une chose, c'est que, y compris chez Anita Conti, il y a aussi toujours une ambiguïté. C'est vrai en partie aussi chez Elisabeth Manmorghese, dont je parlais tout à l'heure. C'est quand même une forme de modernisme. Elle porte un discours sur les atteintes aux océans, mais pas pour dire qu'il faut s'arrêter, par exemple, d'exploiter. Mais c'est plutôt l'idée qu'on va trouver des moyens, de nouveaux moyens d'exploiter les océans, mais de façon plus civilisée. Il y a la grande idée qui est très, très largement répandue dans les années 60, qu'il va falloir passer de la pêche à l'aquaculture marine. Et elle a des projets, Anita Conti, d'aquaculture marine avec des structures légères, flottantes. C'est une espèce d'écomodernisme hein, marin qu'elle porte, en fait. C'est pas une écologie radicale au sens de arrêtons d'exploiter les océans, mais c'est plutôt une façon de penser une coexistence économique. Elle va avec les abandonner son projet en disant de toute façon ça sera encore pire parce qu'on va encore plus produire. Il vaudrait mieux ralentir la production, elle le dit. Et d'ailleurs elle dit la pêcher n'est pas produire, c'est une extraction. Quand on dit que pêcher c'est une production, non. Elle dit c'est une extraction. Elle insiste sur le mot chasse. Hein, chasse, plus voilà, que c'est pêche. Un mot pudique pour ne pas dire chasse. Mais c'est bien pour ça qu'elle veut faire de l'aquaculture. Parce qu'elle dit, il faut arrêter de chasser, il faut cultiver la mer. Et donc son projet de structure flottante, plastique, d'élevage de poissons, c'est précisément passer de l'extraction à la production. C'est ce qu'elle explique. Donc il faut aussi bien voir que on n'est pas dans une démarche du type attaque de baleiniers qui sera portée dans les années 70 par des mouvements très très radicaux, les éco-warriors américains qui vont militer pour la fin de certaines activités d'extraction, la fin complète de certaines activités d'extraction. Il y a toute une gamme, une palette en fait de sensibilité à l'exploitation et à la surexploitation des océans, où se mêle aussi la volonté de pouvoir en extraire de ces océans des protéines. Parce que ce qui est intéressant chez Anita Conti aussi, c'est cette idée très forte dans les années 60 que grâce à la mer, on va pouvoir fournir des protéines aux pays pauvres. C'est la grande époque dans les cercles onusiens. On parle de ce qu'on appelle le protein gap. L'idée que non seulement les pays pauvres manquent de nourriture absolument, mais que ces pays pauvres manquent surtout de protéines plus spécifiquement. Et là, la mer a un rôle à jouer. Et Anita Conti dit, ben voilà, si on arrive à faire de l'aquaculture, on va arriver à extraire des océans des protéines et à résoudre les problèmes des pays pauvres. C'est aussi en ça qu'elle est finalement peut-être plus intéressante hein, que simplement que si elle tenait simplement un discours pour dire oh, c'est mal d'exploiter les océans, arrêtons tout. Non, elle essaie de combiner en fait des enjeux humains, on parlait du travail tout à l'heure, mais là on parle de la pauvreté, et des enjeux écologiques. Exact. Et puis, c'est vrai que nous parlons beaucoup des poissons, vous en avez cité un mammifère, on en avait besoin, la baleine, aussi, il y a les mammifères marins aussi, Anita Conti parlait aussi des baleines. J'ai bien envie de vous raconter une histoire de baleine, ah, parce oui, que c'est une histoire tout à fait simple. J'ai entendu parler de ça. Nous partons par un temps de tornade à 7 ou 8 pirogues. Nous quittons la côte et une fois qu'on est dans une mer assez creuse, sur une pirogue toute basse, on ne voit plus la côte. Un homme, deux hommes, trois hommes avec moi et puis la tornade là-dessus. Nous sommes éloignés de la côte, nous sommes tout seuls. Le mât se casse, on perd une pagaie, la nuit tombe et les baleines jouent autour de nous. Alors, en même temps que la tornade, il y a souvent la mer phosphorescente. C'était merveilleux et c'était absolument mortel. Alors moi, quand je crève de peur, je dors. Les hommes, eux, dormaient de fatigue. Ça a duré très longtemps. Le lendemain, dans l'après-midi, on nous a retrouvés. Et je suis rentrée à la côte complètement abrutie. Mais le lendemain, j'ai su que c'était charmant. Ils avaient dit, avec la femme blanche, tu peux aller partout. Quand elle dort, même les baleines viennent pour la garder. Ah, mais c'est voilà. Joli, c'est une ravissante chose. C'est très beau, l'émission Les femmes dans la vie en 1956. Anita Conti qui dort quand elle a peur, comme ça au moins elle n'a plus peur. Laurent Giraud-Conti, de tout ce que nous pouvons dire sur Anita Conti, il faut insister hein, sur ses qualités aussi d'écriture. C'est un plaisir de la lire. Un vrai plaisir, avec, elle nous transporte, elle nous donne des informations et en même temps elle nous emmène avec une, elle nous entraîne dans un regard qui est plus pluridimensionnel, où à la fois il y a de la technologie, il y a de la science et en même temps il y a ce souffle qui nous dépasse quoi. Et c'est oui. Et puis c'est très bien d'en parler. Il y a un projet de bande dessinée avec Catel et Bocquet qui se prépare, qui devrait sortir au début 24 ou fin 23. Enfin, c'est un personnage qui a encore, il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a des couches. Ouais. Non, mais c'est ça. On le dit bien, le photographe, océanographe, et puis pour l'historien que vous êtes, Fabien Locher, hein, historien des sciences de l'environnement, vous avez contribué à une introduction à l'histoire environnementale, et puis il y a Les Révoltes du Ciel, une histoire du changement climatique du 15e au 20e siècle, publiée au Seuil, avec ce regard porté sur ce qu'il y a au-dessus des mers, mais plutôt l'ensemble de l'environnement, toujours ce problème des sources, pour l'historien, enfin ce problème, cette recherche des sources. Anita Conti, c'est une source admirable dans tout ce qu'elle a pu fournir comme document. Effectivement, oui, c'est très intéressant. Je travaille en ce moment une histoire environnementale de la mer au XXe siècle. Et il y a plusieurs personnages dans mon récit. Effectivement, Anita Conti est un de ces personnages, à côté de Cousteau, de Bombard, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais Anita Conti a ceci de particulier que elle a laissé beaucoup de sources imprimées qui sont très intéressantes à étudier. Contrairement, par exemple, à Cousteau qui dont les archives font l'objet d'un affrontement sanglant intrafamilial et qui sont inaccessibles aux chercheurs, ce qui pose beaucoup de problèmes pour l'historien de l'environnement maritime. Mais donc effectivement, elle a produit beaucoup de choses très intéressantes. Elle témoigne des mouvements lents de transformation des formes de perception de la mer, parce qu'elle a ce qui est intéressant chez Anita Conti, je trouve, c'est que on peut la suivre des années 30 aux années 70-80. Donc on couvre une période où les techniques, les savoirs, les perceptions, les représentations culturelles de la mer changent énormément. Et donc on peut avoir comme ça une espèce de fil de longue durée, on peut dire, enfin de moyenne durée, disons, et voir décennie après décennie comment se transforme au travers de son œuvre, qui est bien sûr spécifique, quelque chose de plus général qui est le rapport aux océans. Voilà, et puis nous l'avons dit, plaisir de lecture et analyse, donc ça nous sommes ravis, tout de suite l'envie de lire chez Payot les ouvrages d'Anita Conti. Merci vivement à vous deux, Fabien Locher, Laurent Giraud-Conti, de nous avoir présenté Anita Conti, mais de l'avoir replacée dans une histoire beaucoup plus large, environnementale. Merci beaucoup, et nous retrouvons tout de suite Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Savez-vous comment nous sommes devenus des êtres civilisés? En 1703, Jean-Baptiste de La Salle, le fondateur de l'Institut des Frères des écoles chrétiennes, a publié un livre intitulé « Les règles de la bienséance et de la civilité chrétienne », constamment réédité au XVIIIe siècle. Il s'inscrit dans la tradition des livres de civilité inaugurés par Érasme de Rotterdam en 1530 et dont la fonction était de pacifier les relations quotidiennes entre les individus dans les sociétés européennes. Jean-Baptiste de La Salle s'adresse aux enseignants et aux parents pour leur donner des conseils concernant l'éducation des enfants. Dans la première partie du livre, il passe en revue toutes les parties du corps humain, depuis la tête et les oreilles jusqu'aux pieds, en passant par le front, les yeux, les bras, les coudes, pour édicter les normes que doivent respecter les bons chrétiens en matière de maintien et de contrôle de soi. Dans la seconde partie, il explique aux lecteurs comment ils doivent se lever, s'habiller, se nourrir, s'amuser et même discuter entre eux. Dans l'un des chapitres de la première partie, de La Salle écrit « Pour tenir la tête avec bienséance, il faut l'avoir droit sans la baisser, ni la pencher devant, ni d'un côté, ni de l'autre. » Et il ajoute, c'est aussi témoignage de l'arrogance, de relever la tête avec affectation. On voit que cette règle de politesse fonctionnait comme une relation de pouvoir pour rappeler aux classes inférieures de la société que le langage du corps ne devait pas exprimer le moindre signe de rébellion à l'égard de ceux qui représentaient l'ordre établi. Norbert Elias s'est beaucoup appuyé sur ce livre pour montrer comment l'inculcation des normes dominantes avait contribué au processus de civilisation des mœurs depuis le XVIe siècle, car les comportements élaborés d'abord au sommet dans la société de cour se sont progressivement diffusés dans toutes les classes. Le chapitre intitulé « Du nez » et de la manière de se moucher et d'éternuer, montre, par exemple, comment les règles de bienséance fixées dans ces livres de civilité ont fait évoluer le rapport entre le goût et le dégoût. « Il est très malhonnête, écrit de La Salle, de fouiller incessamment dans les narines avec le doigt. Il est encore bien plus insupportable de porter ensuite à la bouche ce qu'on a tiré des narines, ou même le doigt qu'on vient d'y mettre. » Cela est capable de faire mal au cœur à ceux qui le voient. Les nombreux interdits concernant les odeurs corporelles et les fonctions naturelles, qui sont également énumérés dans cet ouvrage, ont bouleversé le rapport des Français à leur intimité. Lorsqu'on a besoin d'uriner, écrit de La Salle, il faut toujours se retirer en quelques lieux écartés. Et quelques autres besoins naturels qu'on puisse avoir, il est de la bienséance aux enfants même de ne les faire que dans des lieux où on ne puisse pas être aperçu. Nous avons tellement intériorisé depuis l'enfance ces normes de comportement que nous les considérons comme normales, en oubliant qu'elles ne se sont imposées à tous qu'au prix d'un long processus d'inculcation. Il a fallu définir ces normes, puis les fixer dans des règles strictes, avant de les inculquer par l'éducation et l'enseignement, pour qu'elle s'incruste dans nos corps et dans nos esprits. Eh bien, merci beaucoup Gérard Noiriel de toutes ces explications. Maintenant, nous saurons pourquoi nous nous mouchons. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet, avec aujourd'hui la technique Jordan Fuentes. Émission préparée par Marion Dupont, Toscane Viudet, Jeanne Delecroix, Shirley Adélaïde, Margot Vielle et Maïwenn Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.